Les invitations à dîner. Le rituel a beau paraître immuable, les coutumes à leur place et les passions ainsi contenues, les choses ne sont pourtant pas si simples. En effet, je ressens des émotions perturbantes lorsque je reçois du monde à la maison. De cela, je m'expliquerai plus tard. Quoi qu'il en soit, j'aime mes amis et je tiens à ne pas perdre le contact. Nos repas en commun participent à la permanence de ce lien. Avec l'expérience, j'ai tranché. Une fréquence d'environ une fois tous les deux mois m'a semblé, et me semble toujours, judicieuse. Pour avertir Lolek et Danka de ma proposition d'invitation à dîner, j'attends que la nuit soit tombée. J'enfourche alors mon vélo pour aller glisser dans leur boîte aux lettres un mot leur signifiant mon intention de les voir, dans une formulation que je travaille afin qu'elle soit le plus ampoulée possible, car ça m'amuse. Je leur propose plusieurs soirs parce que je sais bien qu'ils n'ont pas que moi comme ami. Et je les préviens largement à l'avance, je ne veux pas m'imposer, en rajoutant que s'ils sont trop occupés en ce moment, le repas peut attendre. Je n'en pense pas un mot, bien entendu, mais il rentre dans les usages de ne pas mettre le couteau sous la gorge des futurs convives. Jusqu'à présent, mes amis ont toujours répondu favorablement à mes invitations. Ils me le confirment à leur tour par une lettre. Exceptionnellement, Lolek vient en personne et en automobile me donner son accord en précisant la date dans une formule agréablement tournée telle que celle-ci. Mes respects, très cher Miloche, nous acceptons avec gratitude ton aimable invitation et nous voudrions te signifier qu'il nous agréerait de venir dîner, mon épouse et moi, mardi en 8. Nous rions tous les deux à sa tournure de phrase, puis je réponds sur le même ton de courtoisie alambiquée. Il ne reste jamais longtemps car il sait que j'ai du travail. Dès qu'ils ont confirmé le soir de leur venue, je rentre dans une phase de réflexion profonde, ininterrompue, afin de mettre au point tous les éléments du menu que je vais leur servir. Je tiens à ne jamais leur faire goûter les mêmes plats. Aussi, je potasse mes livres de cuisine, à la recherche de recettes originales. J'essaie toutes les combinaisons, entrées, plats, desserts sur un cahier, j'imagine les goûts, je teste mentalement leur compatibilité, je me mets à la place de l'estomac après le repas, je prends du recul. Au bout de quelques jours, quand la bonne idée s'est enfin imposée comme une évidence et que j'ai appris les recettes par cœur pour en réciter de tête au besoin la composition et la manière de les réaliser, je me rends chez Aimé. Si son magasin est fermé, je glisse sous la grille métallique un petit mot sur lequel j'ai noté la liste des ingrédients ainsi qu'une formule de politesse. J'aime la courtoisie et je sais que ses recherches lui donnent du mal. Je me rends bien compte de tous les efforts qu'Aimé fait pour moi. Il me répète souvent « Arrête de te confondre en remerciements, Miloche. Tu es le fils que je n'ai pas eu. Je peux bien m'occuper un peu de mon fiston adoptif. » Alors je suis ému, j'en ai la larme à l'œil. Je fais semblant de rire avec les dents et tout, mais vu qu'Aimé me regarde, je réalise vite que je ne suis pas prêt d'avoir un César. Il rajoute alors « Je crois, mon pauvre Miloche, que tu es champion du monde des sensibles. Tu mériterais une médaille. » À défaut de trophée. Mais je n'y peux rien, lui réponds-je parfois, comme s'il ne le savait pas. Je suis simplement né avec cela. Disons que je porte mon hypersensibilité comme une croix, comme d'autres trimballent leur misère ou toute autre sorte de handicap. Remarquez bien que je ne dis pas ça pour me plaindre. Mon infirmité ne m'ampute que du cynisme, de l'indifférence et du blouson de cuir à clous. Mes autres membres sont tous là, chacun plus ou moins à leur place, et je m'en félicite dès que j'en trouve le temps. La troisième nuit de la semaine suivante, je pédale à la rencontre d'Aimé afin de récupérer les ingrédients qu'il m'a trouvés, que je lui échange contre des légumes, des œufs et parfois des poussins. Il ne manque jamais rien à ce que j'ai noté dans mon inventaire. Même quand ma recette nécessite des épices du Maghreb, de Chine ou de l'Ouzbékistan. Je ne sais pas où il déniche ces denrées rares, car la ville est plutôt petite. J'aime à penser qu'Aimé possède dans sa réserve une sorte de tapis volant multicolore, sur lequel il parcourt, la moustache au vent, les souks de Marrakech, les marchés de Pékin, les plaines de l'Oural, discutant qualité et tarifs dans des idiomes gutturaux, rappeux ou chantants. Cette troisième nuit de la semaine, j'ai décidé de cuisiner un colombo de poulet. Je manœuvre à mon fournisseur officiel chez qui je viens d'arriver. Il me demande « Ah, tu vas faire un colombo, avec le cigare, l'imperméable, la voiture pourrie et le chien. » Comme je ne comprends pas, je le fixe avec des yeux ronds. Je crois même que ma bouche est ouverte. Il rajoute alors, Laisse tomber, va, en balayant l'air de sa grosse main de travailleur. Aimé a souvent un humour pour moi indéchiffrable. Devant mon air d'entre-deux, il désosse son mot d'esprit qui perd alors de sa spontanéité et par là même une grande partie de son caractère amusant. Je ris en différé, parfois juste pour lui faire plaisir. Quand il préfère ne pas se lancer dans des éclaircissements embrouillés, ses plaisanteries ne font marrer que lui. Ça lui suffit, je crois. Et s'il est content, moi aussi. J'en viens quand même à me poser des questions sur mon sens de l'humour. J'accompagnerai le colombo de poulet de riz basmati. J'ai prévu des nems en entrée, un tiramisu en dessert. Tout cela servi avec un vin rouge Sidi Ibrahim. Je vais donc inviter mes amis à un repas hindou-italo-arabo-chinois. Ça risque d'être un peu dur à digérer, toutes ces nationalités mélangées. Mais le temps s'est rafraîchi, et on a besoin de quelque chose qui tient au corps. Je range les ingrédients dans un cajot que je fixe sur mon vélo. Nous discutons un peu de tout avec Aimé, du temps qu'il fait, des guerres, de jardinage, puis je rentre chez moi, après l'avoir chaleureusement remercié. Il m'offre une bouteille de vin en rajoutant « Tu as de la chance aujourd'hui, l'épicerie à Miloche fait des promos ». Je suis gêné, je ris, je remonte sur mon vélo. Je suis un peu sa cause humanitaire à Aimé.